بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم رف منار الدين وهدم أفكار دعاة التسامح مع الكافرين. Le fait d'honorer la religion par ses vraies valeurs et d'annihiler des idéologies de ceux qui appellent à l'indulgence ou tolérance avec les mécréants. Traduit et commenté par Abu Taymiyyah Khalil al-Mutaniki, hafizahu Allah ta'ala. Huitième leçon. Inna alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira amma ba'd. Tayyib. Nawasil. Okay, on a pris une mouraja amma, tout ce qui a été évoqué depuis le début du livre. On va poursuivre, Inch'Allah. Maintenant, leurs nouvelles shubuhat sont plus basées sur des versets qui vont placer hors contexte. Tamam. Des versets dans le Coran qui peuvent porter à confusion, ils vont les employer pour les faire tourner dans un sens qui va dans ce qu'eux veulent. مثلاً بقوله تعالى ادعو الى السبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. Qui font employer des termes miséricordieux et doux pour la da'wa avec ces gens-là, prenant cela pour preuve la parole d'Allah dans le sens où il dit: appelle au sentier de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation et débat avec eux de la meilleure façon. Certes, votre Seigneur est plus savant de qui est égaré, de son Seigneur, de son sentier, et de qui sont les bien guidés. Donc, bien entendu, Ash-Shahid, comme a dit le Cheikh, Oud'ou, il est sabil et rabbik. Appelle au sentier de ton Seigneur. Ces gens-là, justement, comment ils s'y prennent? N'appelle pas au sentier de leur Seigneur. Car le sentier d'Allah est d'un côté, et eux, ils vont dans un autre. Parmi les versets amenant justement, que veut dire le fait d'appeler au sentier de son Seigneur? Kafikoli ta'ala, Qul, Adihi sabili, ad'u ila Allah, ara basiratin ana wa min taba'ani, wa subhanallahi, wa ma ana min al mushrikin. Dans le sens où il dirait, dit, tel est mon sentier, j'appelle à Allah avec clairvoyance, ainsi que ceux qui me suivent, et subhanallah, je ne sais pas du nombre, des associateurs. Donc il dit quoi à la fin du verset? Wa ma ana min al mushrikin. Je ne suis pas du nombre des associateurs. Donc tu précises bien justement. Wa bi qawli ta'ala. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جعد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Un autre verset explicite dans le sens où il dit: ô vous qui avez cru, ne prenez pas les juifs et les chrétiens en tant qu'alliés. Certains sont alliés les uns des autres. Et celui qui les prend comme alliés, c'est certes parmi d'eux. C'est certes parmi d'eux. Il est compté parmi les leurs. Il est parmi eux. Et que Allah ne guide pas un peuple d'injustes. Hein, que Allah, certes, ne guide pas un peuple d'injustes. Et tu vois ceux qui ont une maladie dans le cœur s'accourir vers eux en disant nous craignons d'être atteints par un retour de fortune, une défaite. Ce verset, on l'a déjà cité auparavant, mais même là, Inch'Allah, yustadelbi. Donc il se peut que Allah vienne avec une victoire de son ordre. Hein, ensuite, ils deviendront, pour ce qu'ils ont pensé secrètement, ils se mettront à regretter ce qu'ils ont pensé secrètement en eux. Et ceux qui ont cru dire, est-ce ceux-là qui ont juré fermement par Allah qu'ils sont avec vous, c'est-à-dire ces gens-là vers qui vous courez, leurs œuvres ont été effacées et ils sont devenus du nombre des perdants. Pour vous qui avez cru, celui d'entre vous qui apostasie de sa religion, certes Allah viendra avec un peuple qui l'aime eux et que lui aime, hein, humble devant les croyants et puissant devant les mécréants. Ils combattent sur le sentier d'Allah, shahid, jahidun fi sabilillah. Donc on voit c'est quoi sabilillah, al-murad. Ils combattent sur le sentier d'Allah et ne craignent pas les reproches de ceux qui en font, de ceux qui blâment. Et cela est la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut. Et Allah est certes sage, ou plutôt certes large et savant, omniscient. Votre allié, c'est seulement Allah et son messager, et ceux qui ont accompli la salat, et ceux qui ont cru et accompli la salat, et sont acquittés de la zakat, et ceux qui s'inclinent, et celui qui s'allie à Allah et à son messager, et à ceux qui ont cru, car certes, le parti d'Allah, ce sont eux les vainqueurs. Ô vous qui avez cru, ne prenez pas ceux qui ont pris votre religion en tant que jeu futilité, parmi ceux qui ont lu le livre d'avant vous, ainsi que les koufars, hein, comme alliés, et craignez Allah si vous êtes croyants. Et craignez Allah si vous êtes croyants. Fa'ina shahiduna fil aya. Ujahiduna fi sabilillah. Ils combattent sur le sentier d'Allah. Donc c'est ça la dawa. Fi sabilillah. Et le sabilillah, hein, al-jihad. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah wa la tuti' al-kafirin wal munafiqin. Inna Allaha kana 'aliman hakima. Wattabi' ma yuha ilayka min rabbik. Inna Allaha kana bima ta'maluna khabira. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Ô toi le messager, ô le messager, crains Allah et n'obéis pas aux mécréants et aux hypocrites. Et que certes, Allah est omniscient et sage. Et suis ce qui t'est révélé de ton Seigneur, car certes, Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Et place ta confiance en Allah et Allah suffit comme garant. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nabi, إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. Ô messager, nous t'avons certes envoyé comme témoin et comme annonciateur et avertisseur et comme prêcheur vers Allah par sa permission et comme une lumière éclairante. Alors annonce aux croyants qu'ils auront certes de la part d'Allah une grande grâce. Et n'obéis pas aux mécréants ni aux hypocrites et délaisse leurs nuisances. Hein? Délaisse ce qu'ils te causent comme nuisance. Et place ta confiance en Allah. Et certes Allah suffit comme garant. Donc comme les versets le démontrent, ces gens-là qui appellent au sentier d'Allah avec cette douceur, cette tendresse, quand même, et ce côté affectueux au koufar, comparé à ces versets où ils sont dans un wadi, dans une vallée, wasabilullah fi wadin akha, alors que c'est dans là, ils sont dans un autre wadi. Na'ana, ce qu'ils disent. Et qu'ils ont la manie justement de prendre les textes et de les tourner de façon inacceptable. Comme ceux qui prennent la parole d'Allah diront, waylun lil musallin, et ils s'arrêtent. Ils disent malheur à ceux qui font la salat, et après ils s'arrêtent. Qu'est-ce que tu crois en écoutant ça? Il y a un malheur sur la salade. Il dit continue le verset. T'arrêtes pas là. Là, c'est pas non, on s'arrête dans le verset. Alladhina am salatihim sahun. Ceux qui sont inattentifs de leur salade, c'est-à-dire qui la retardent dans leur temps. Et non pas ceux qui, des fois, perdent leur khushu'. Le tafsir du verset, c'est ceux qui poussent la salat hors de leur temps. Donc ces gens-là sont pareils. Ils prennent un verset, ils coupent. Lorsqu'il vient après, hein, vient pour définir ce qui était dit auparavant. Et eux, ils prennent un verset, en délaissent d'autres. Donc il dit, cette manière de faire, c'est la manière des escrocs, comme les juifs. Comme ils font les juifs. Et c'était le dalil de Abdullah ibn Omar, radiallahu anhu, dans les Sahihain. Qala, أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم ومرأة زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن رجم فقالوا نفدحهم ويجلدون فقال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها رجم فأتوا بالتوراة فانشروها فوضع أحدهم يده على آية رجم فقرأها ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية رجم فقالوا صدق يا محمد فيها آية رجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما قال عبد الله فرأيت الرجل يخبأ على المرأة يقيها الحجارة donc le hadith il dit quoi selon Abdullah ibn Omar que les juifs vinrent auprès du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم en lui disant que un homme d'entre eux et une femme avait fait la fornication. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam les interrogèrent. Qu'y a-t-il dans votre livre, dans la Torah, à propos de la lapidation? C'est-à-dire celui qui fait zina. Ils disent, nous, on les humilie, c'est-à-dire on les dévoile devant tout le monde et on les fouette. Et Abdullah ibn Salam, il dit, vous avez menti. Certes, dans la Torah, la lapidation est licitée. Donc il dit, venez avec la Torah et lisez-la. Donc l'un d'entre eux vient avec la Torah, qu'est-ce qu'il fait? Il a mis sa main sur le lieu, sur le passage citant la lapidation. Donc il lit le passage d'avant, celui d'après. En ne lisant pas le passage qui est sous sa main. Abdullah ibn Salam, il le dit quoi? Ibn Salam, il le dit quoi? Lève ta main. Il lit ce qu'il y a en dessous. C'était un juif à la base. Tu connais leur livre. Et c'était un savant en plus. D'accord? C'était un savant. Donc là, ils disent, lève ta main. Il leva sa main. Et soudainement, que voit-il? Le verset citant la lapidation pour le fornicateur. Donc ils disent, il a raison Mohammed, il y a le rajm, la lapidation. Donc il leur a ordonné de les lapider les deux. Et Abdullah a dit, j'ai vu l'homme tenter de protéger la femme des pierres. Mais jusqu'à la mort, il voulait la protéger des pierres. Comme le Ta'ala, « Ya'alifunahu kam ya'alifun abna'ahum, wa inna fariqan minhum, liyaktumun al-haq » Ils connaissent, c'est-à-dire Mohammed sallam, comme ils connaissent leur fils. Et certes, une partie d'entre eux cache la vérité. Et ce hadith est venu justement en tafsir de ce verset. Il cache la vérité. Et ça, c'est parmi les particularités des juifs. Il cache la vérité. Justement, Abdullah ibn Salam, avant, comme cela est venu dans le hadith quand il s'est converti à l'islam, avant qu'il ne se convertisse, les juifs faisaient son éloge. Ils le vantaient. Après, il s'est converti à l'islam. Même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, mais dans un endroit, reste derrière. Ne te montre pas pour l'instant. Il leur a dit, que dites-vous sur Abdullah ibn Salam? Ils disent, lui, parmi les meilleurs d'entre nous, le plus savant, pieux, ils font son éloge. Il dit, viens maintenant. Il est sorti. Il a fait la shahada devant eux. Il dit, celui-là, c'est parmi les pires, on le connaît, c'est un menteur, c'est un ceci, c'est cela. Il a commencé à le critiquer. Il dit, regarde. Regarde comment ils sont. Avant, éloge. Tu n'es plus avec eux, critique. Et c'est là que tu vois que les Hizbiya, ils ont un tachabour bil kuffar. Car eux, justement, les Hizbiya, c'est pareil. Quand tu as vécu, ils te font ton éloge, même si t'es pas bien. Le jour où tu te fais avec eux, ils te démontent. Et carrément également, qu'est-ce qui a fait que les Juifs ont couru la courroie d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ruel mardoubi, alayhim, wala dhalin. Mardoubi alayhim. Manhum, al-Yahoud. Ceux qui ont couru la colère. Pourquoi? Car ils ont su. Mais n'ont pas appliqué. Dans l'île, c'est les chrétiens qui n'ont pas su et ils ont appliqué ce qu'ils n'ont pas su. Donc maintenant, les ulama disent quoi? Man alima wa lam ya'mal falaw shibh, yani min ulama'ina falaw shibh bil yahoud. Celui qui a su et qui n'applique pas a une ressemblance avec les juifs. Amen. Wa man amila la jahl min ibadina falaw shibh. Et celui parmi nos dévots, c'est-à-dire nos ancêtres, ceux qui font des adorations et qui n'ont pas forcément de science, et qui agissent sans science, une ressemblance avec qui? Avec les chrétiens. Aujourd'hui, quand tu vois des savants qui savent des choses, ne l'appliquent pas, ils ont tachabou bil yahoud. Ils ont tachabou bil yahoud. Donc attention à ça, quand tu sais, tu n'appliques pas. Et qui plus est, tu sais, en plus tu caches. Tu ne veux pas le dire. Tu caches sournoisement, alors là c'est encore plus grave. Donc ces gens-là, c'est ça qu'ils font. Ils prennent des versets et les utilisent en contexte, les mettent hors sujet. Et ils troupent les musulmans en faisant ça. À la manière de qui ? Des juifs. Ensuite, ils citent un autre verset qu'ils prennent comme preuve, en vue justement de tromper les gens, dans leurs égarements. يَخُوذُونَ قَوْلَهُ تَعَالَى خُوذ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. C'est-à-dire, prends, accepte ce qu'on t'offre de raisonnable, d'accord, et commande ce qui est convenable, éloigne-toi des ignorants. Donc là, le afou, خُوذ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ. الْعَفْوُ, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné comme valeur immense dans le comportement, ce genre de choses. Donc il n'est pas permis de prendre ces versets et de les employer hors contexte. Car cela amène à quoi ? À s'opposer aux preuves appelant au wala ou al bara, à l'alliance ou au désaveu. Et ça, c'est qui ? Ça, c'est la façon de faire des gens du zayr, de l'égarement, de la déviation. Kavikulillahi ta'ala, walladhi anzala alayka al-kitab minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukhra mutashabihat. Amma alladhina fi qulubihim zayrun فَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ إِبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَإِبْتِغَاءَ التَّأْوِيلِ. Et celui qui a descendu sur toi le livre, parmi ce livre, des versets clairs, qui elles sont les bases de ce livre. Et d'autres, hein, équivoques. Donc ceux qui ont un penchant vers le faux dans leur cœur, suivent les versets équivoques. En vue de trouver la fitna, de faire le trouble, et de chercher, trouver une interprétation qui va dans leur sens, bien entendu. Donc parmi les versets qui viennent, dont ils se servent, pour arriver à leur fin, يَسْتَدَلُّونَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى اُدْعُوا إِلَيْسَ بِلِي رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمُعِذَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِلَتِي أَحْسَنِ كَمَا قُلْنَا فِي الْبِدَايَةِ. Appelle au sentier de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation et débat avec eux de la meilleure façon. Donc on dit quoi ? L'appel à Allah, اُدْعُوا إِلَيْسَ بِلِي رَبِّكَ, c'est quoi ? C'est appeler au tawhid. C'est appeler au tawhid et à l'islam. Comme l'a prouvé l'autre verset. Kuladi sabili adu ilallah ala basirati ana wa mittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min mushrikin. Comme on l'a dit. Dis, tel est mon sentier, j'appelle à Allah. J'appelle à qui ? À Allah. Pas à moi, pas à vous, pas à un tel, pas à une fikra. À Allah j'appelle. Avec clairvoyance, c'est-à-dire avec science, contrairement à ce que font beaucoup d'égarés. Hein ? Moi ainsi que ceux qui me suivent, c'est-à-dire ceux qui sont sur ma voie, ils appellent à Allah. Avec clairvoyance. Et ça, c'est un rod sur qui ? Jama'at al-Tablir. Sur le Tablir, c'est verset, ça. Ce qui démontre que appeler Allah demande de la science. Celui qui appelle Allah sans science n'est pas parmi les suiveurs réels de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit Subhanallah, wa ma ana min mushrikin. Donc gloire à Allah, que Allah soit exalté, je ne suis pas du nombre des associateurs. Ils prennent comme preuve dans les versets qui ressemblent à cela. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم والهنا والهكم واحد ونحن له مسلمون. Donc qu'est-ce qu'il cita ensuite pour démontrer l'erreur et le faux de ces gens? Que ce verset cité au début, ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه, un appel au sentier de ton Seigneur avec sagesse. قال ابن كثير رحمه الله تعالى قال قتادة وغير واحد من السلف هذه الآية منسوخة. Et قتادة et deux parmi les salafs ont dit que ce verset était abrogé. Ce verset est abrogé. بآيات السيف, par les versets de l'épée, c'est-à-dire les versets du combat. ولم يبقى معهم مجادلة وإنما هو الإسلام أو الجزية أو السيف. Donc il dit qu'il n'y a plus de débat avec eux. C'est fini. Soit c'est la jizya, plutôt soit c'est l'islam, soit se convertissent, soit c'est la jizya, ils payent la peau légale, ou soit c'est l'épée. Il n'y a plus de débat. وقال آخرون بل هي باقية لمن أراد الاستبصار منهم في الدين فيجادل بالتي أحسن ليكون أنجع كما قال تعالى ادعوا للسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة الآية. وهذا القول اختراه ابن جرير وحكاه ابن زيد. Donc d'autres ils ont dit quoi? Que le verset non, le verset est toujours de vigueur, toujours de rigueur. D'accord? Mais ce verset s'applique pour ceux qui cherchent la vérité parmi les gens du livre. Hein? L'iman arada l'istibsar minhum. Ceux qui cherchent à savoir, qui se renseignent, qui veulent connaître, eux, tu leur parles de la bonne façon. Hein? Pour que cela soit plus convaincant. C'est pas demain quelqu'un il vient, kafir, il t'interroge à propos de l'islam, il t'est dur avec lui, tu parles méchamment. Non, là tu lui parles gentiment. Tu lui expliques. Il t'a demandé. Donc là tu lui expliques. C'est quoi l'islam? Tu réponds ses questions, si t'as la science, si tu n'as pas la science, tu l'amènes vers un frère qui a plus de science, ainsi de suite. Tu ne parles pas de ta tête non plus. Quand tu vas sortir une chose, ça va être une chouboue pour lui, dire ah c'est dans l'islam, il y a des contradictions, ça ne m'intéresse pas. Il veut un truc clair pour lui. Vous voyez, une personne qui interroge sur l'islam, au début, elle a peur. Parce qu'elle sait que sa vie va changer. Elle va avoir un tournant dans sa vie. Donc attention, prends-le avec des pincettes. Ne dis pas n'importe quoi. Parle avec science ou ne dis rien. Tu ne sais pas, amène-le vers quelqu'un qui sait. Parce que demain, tu vas lui dire un verset mal interprété, une chose qui vient de ta tête à toi, il s'en va. D'accord? Donc attention, comme quand le Ta'ala, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ. Tel est mon sentier, j'appelle à Allah avec clairvoyance, avec science. Donc demain, ce jeune, ou même un vieux, n'importe qui, quand je dis jeune, peu importe, cette personne qui s'intéresse à l'islam et t'interroge, parle-lui avec clairvoyance, avec hikmah. ومعيذة حسنة كل كمبريل كل أكسبت البيت سي لغيدي بفضل الله. وقوله إلا الذين ظلموا أو نعم جي با فيني ترادوير دونك tu leur cites le verset le verset pour expliquer qu'il faut appeler ces gens là de bonne façon car cela sera plus convaincant et plus attrayant pour lui, pour l'islam, et embellira sa vision de l'islam. Parce qu'au début il est réticent, attention, quand il interroge, tu sais, il a envie, en même temps il a un peu peur. Parce que Shaitan, il est halé sur lui. Le moindre truc pour le faire, se désister, il va le faire. Donc également, qu'est-ce que Allah SWT a dit à Moussa ou à Harun, lorsqu'il a envoyé à Pharaon? Ils lui ont dit, et dites-lui une parole douce, il se peut qu'il se rappelle et qu'il craigne. À Pharaon, yahi. Alors que Pharaon, c'est qui? C'est quoi? Également, que ce soit une chose, un argument contre lui, pour te dire, même, on t'a parlé gentiment. Vraiment, pour te dire, on a tout essayé avec toi. On t'a parlé gentiment. Par espoir que tu reviennes. D'accord? Donc, si Pharaon il a eu droit à ça, donc quelqu'un qui interroge sur l'islam, ben, aoula, encore plus en droit de le recevoir. Mais quand on dit une parole douce, attention, parole douce, là, tu parles de façon posée et calme. C'est pas tu viens avec des. Tu complimentes ou tu te le ramollis. C'est évite d'en prendre un ton qui puisse se faire fuir à ce moment-là. Mais tu dis les choses clairement comme elles sont. D'accord? Comment elles sont les choses? Qu'ils sachent. Donc dans le verset toujours, وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنَ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ. Donc ne combattez pas les gens du livre, afouen, ne débattez pas avec les gens du livre, si ce n'est de la meilleure des façons, hormis ceux qui ont été injustes. Donc que veut dire hormis ceux qui ont été injustes? C'est-à-dire ceux qui ont refusé. Toujours à part de Bukhari, là. هَادُوا عَنْ وَجِّ الْحَقِّ وعموا عن واضح المحجة وعاندوا وكابروا وحينئذ ينتقل من الجدال إلى الجلاد ويقاتلون بما يردعهم ويمنعهم. وقال تعالى لقد أرسلنا رسلا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب إن الله قوي عزيز. Donc là, ceux qui ont refusé, c'est eux les nains dans l'amour, ceux qui ont refusé, qui seront enflés d'orgueil, qui seront renfrognés devant la vérité. Eux, c'est fini le débat. Le débat, Bilati Yarsen, c'est pour qui? Ceux que tu vois qui réclament et qui sont ouverts au discours, prédisposés à accepter, à écouter, pas pour sympathiser. C'est pas pour sympathiser. C'est que tu vois qu'il lui commence à accepter, parle-lui de la meilleure des façons. Le but, c'est qu'il vienne. Mais attention, tu restes ferme. Et tu dis la vérité. Qu'il est un mécréant. Et que s'il meurt dessus, il va aller en enfer. C'est pas seulement que tu dis les vertus de l'islam, tu parles des bonnes choses de l'islam. Et tu parles pas du reste. Tu parles le tawhid. Tu sais c'est quoi le tawhid? c'est quoi contre le tawhid et que lui, il est sur le contre le tawhid. Faut lui dire ça. En islam, on respecte le voisin, on obéit aux parents, on fait ceci, on fait cela. On dit, non, c'est bien. Mais à ce moment-là, lui, là, c'est pas ça qu'il faut que tu lui dises en premier. Lui, faut que tu lui dises quoi? C'est quoi la première chose que tu lui dire? Tu l'appelles le tawhid. Qu'il est, c'est un mécréant. Parce que ces vertus-là, t'as des koufars, sans islam, ils les ont. Ils sont des bons voisins, peut-être. Ils obéissent à leurs parents, peut-être. Des choses dans des certaines éducations qui ont été reçues par des gens. C'est pas des musulmans. Mais le tawhid, ça, personne ne l'a par le musulman. Donc commence par ça. فَلْيَكُنْ أَوَلَّ مَا تَدْعُو بِلَيْهِ أَنْ يُوَحِدُ اللَّهِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Parce qu'il a envoyé hein, au jour du livre. Il n'a pas dit parleur des versets de l'islam en premier. Mais c'est bien d'en parler. Parleur de tawhid en premier. Appelle-les à ça. S'ils acceptent, après tu parles des salawat. Ils acceptent, après tu parles de la zakat. Et ainsi de suite. Al-aham fal-aham. Maintenant, des fois, si un t'interroge au voisinage, tu en parles avec lui. Par exemple, c'est quoi les droits du voisin en islam? Tu en parles avec lui, je dis pas que tu en parles pas. Mais dès qu'il y a un moment, tu dis, mais attention, hein, j'explique. Le voisin, c'est un truc important en islam. Mais il y a plus important que ça en islam. En islam, le musulman, le musulman, c'est celui qui adore Allah et qui ne lui associe rien. Après, tu lui expliques c'est quoi associer, c'est quoi adorer, ainsi de suite. Tu es celui qui ne fait pas ça, il ira en enfer éternellement. Tu lui expliques, tu lui fais peur. Qu'il réalise que s'il meurt là-dessus, c'est très très grave. Qu'il réalise, le soir qu'il soit inquiet, ça fait réfléchir. Donc, une fois que ces gens-là ont refusé le discours, l'appel à l'islam, là tu passes deuxième étape, tu les combats. D'accord? Tu les combats. Comme encore l'État Allah dans le sens, il citait le verset, nous avons certes envoyé des messagers avec les preuves, et nous avons descendu avec lui, avec eux, le livre et la balance, afin qu'ils puissent trancher entre les gens avec équité. Et nous avons fait descendre le fer, qui détient une grande force. Et un bénéfice pour les gens. Qu'Allah sache ceux qui l'ont secouru son messager, Al-Aya. Donc le fer descendu pourquoi également? Justement pour trancher. Par lequel tu fais les armes. Par lequel tu fais les armes. Une fois que le message était refusé, c'est le combat. Fihi baisun shadidun wa manafi'u linnas. Le bais shadid, c'est que cela est une arme pour le combat. Wa manafi'u, plein d'autres choses à côté. On se sert avec le fer. طيب. Ensuite, il y a une parole de Shawkani qui dit في التفسير قوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. Et ne débattez pas avec les gens du livre si ce n'est de la meilleure façon. Qu'est-ce qu'il dit? أي إلا بالخصلة التي هي أحسن وذلك على سبيل الدعاء لهم إلى الله عز وجل والتنبيه لهم على حججه وبراهينه رجاء إجابتهم إلى الإسلام لا على طريق الإعراض والمخاشنة ثم قال ذكرك الله تعالى إلا الذين ظلموا بأن أفرطوا في المجادلة ولم يتأدبوا مع المسلمين فلا بأس بالإعراض عليهم والتخشين في مجادلتهم وكذا فصل الآية أكثر المفسرين بأن المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى وقيل معنى الآية لا تجادلوا من آمن بمحمد من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام والسائر من آمن منهم إلا بالتي هي أحسن يعني بالموافقة فيما حدثوكم به من أخبار أهل الكتاب ويكون المراد بالذين ظلموا على هذا القول وهم الباقون على كفرهم. Donc Shawkani, qu'est-ce qu'il a dit dans le tafsir de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens où il dit et ne débattez pas avec les gens du livre si ce n'est de la meilleure des façons, c'est-à-dire de bon comportement, que cela soit un appel à Allah, un prêche à Allah, un appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et la mise en évidence de ses preuves et de ses arguments. Par espoir qu'ils répondent à l'appel et qu'ils se convertissent, qu'ils se soumettent. Hein? Et non pas pour, comment dire, les rabaisser. Le but là, c'est de les ramener à l'islam. Vous voyez? Illa alladhina zalamu, sauf ceux qui ont été injustes. C'est-à-dire ceux qui ont exagéré dans le débat et qui n'ont pas eu de bon comportement avec les musulmans. Alors ceux-là, pas de mal à être rude envers eux, hein, et employer des termes d'être rude envers eux et sévère lors du débat. Et pas de mal. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas bien comportés. Ils refusent. D'accord? Donc différence entre celui qui t'écoute et que tu vois qu'il y a un espoir qui rentre et celui qui fait l'ina mu'anid. Pas pareil. Et il dit que la plupart des exégètes, des moufassirines, ont dit que le sens voulu par Al-Kitab, c'est les juifs et les chrétiens, c'est-à-dire ceux qui ont cru en Mohammed, comme Abdullah ibn Salam, qui était juif, qui se convertit. Et tous ceux qui ont cru avec lui. Eux, ont débat avec eux de la meilleure des façons. Les gens du livre qui ont cru en Mohammed. Et également, pour ce qu'ils ont raconté comme information venant des gens du livre, qui correspondent justement avec l'islam. Ils disent, chez Al-Kitab, il y a ça et ça et ça et ça. Mais ils disent ça pourquoi? Pour te montrer qu'en fait, c'est la même religion pour venir à la tienne. Et ceux, par contre, qui ont été injustes envers eux, qui sont-ils? C'est ceux qui sont restés sur leur couf, et qui n'ont pas accepté. C'est eux, la dans l'amour. Et non pas forcément ceux qui t'ont combattu. Parce que des gens disent ça. Ceux qui sont gentils, tu leur parles bien. Ceux qui te combattent, tu les combats. On dit non. Même parmi ceux qui ne te combattent pas, s'ils n'acceptent pas, tu les combats. Du simple fait qu'ils n'ont pas accepté le message, qu'ils l'ont refusé, même s'ils sont avec toi de façon, ils ont un comportement, on va dire, en apparence correct, eux, tu les combats. Le verset ici s'applique sur ceux qui t'écoutent et qui sont intéressés. Ils sont attirés par l'islam. Ah, mais ceux qui n'acceptent pas, même s'ils ne s'en prennent pas à toi, quand l'islam est en force, tu attaques. Tu acceptes, marhaban. Tu n'acceptes pas, attends-toi une attaque. Donc, également, Shoukani, toujours, il dit Al-Aya mansoukha bi ayat al-qital, wa bi dhalika qala qatada, wa muqatil, qala al-nuhas, man qala hadi mansoukha, ihtajja bi anna al-ayata makkiyah. ولم يكن في ذلك الوقت قتال مفروض ولا طلب جزيه ولا غير ذلك. Donc il a été dit également, je ne sais plus si c'est Shoukani qui parle ou c'est Cheikh là qui parle, il n'y a pas écrit Intaha, il n'y a pas de signe. Eh si, c'est Shoukani toujours. Non. Donc le verset également, c'est que le verset a été abrogé par les versets du combat également. Et telle est la parole de Qatada. El Nuhas, il dit quoi? Que ceux qui disent que ce verset est abrogé, quelle est leur preuve? Ils disent que ce verset-là, à la base, c'est un verset qui est une ayat mekia, c'est un verset qui est mekwa. Et le jihad, quand est-ce qu'il a été instauré, légiféré? Al-Medina. Tu comprends? Donc les versets du Qital sont venus pour abroger les versets du débat pacifique. Car à cette époque, Al-Mekka, il n'y a pas de Qital à l'époque. Il n'y a pas de Qital, il n'y a pas de combat. Il n'y a également de demande de jizya. À l'époque, les musulmans étaient mustadafin. Ils étaient impuissants, affaiblis. D'où la hijra. Elle a été faite. Donc le verset a comprendre deux choses. Soit, le sens voulu, c'est qu'il est mansour, abrogé par les versets du combat, qu'il faut les combattre. Ou soit, le verset concerne qui? Les gens du livre qui sont réceptifs à la paix de l'islam. Tu les vois intéressés. Et, alladhina dhalamu, ce qui est injuste, cela n'implique pas forcément ceux qui t'ont combattu. Mais du simple fait qu'ils ont refusé, eux, plus de Mujadala Bilati Ahsan avec eux. Même s'ils ne te combattent pas. D'accord? Dans les deux sens, dans les deux tafsirs du verset, à aucun moment, c'est un discours général pour tous les koufars. Tu leur parles gentiment. Ce n'est pas tous. Et gentiment, qu'est-ce que tu veux dire par gentiment? Attention. Parce qu'il faut les appeler au tawhid. Et eux, justement, tu vois, dans ce livre, et les gens en général, même en France, tout ça, ils disent quoi souvent pour leur parler? Les non-musulmans. Déjà, t'as peur, ou tu veux pas le blesser. T'es mal parti, là, pour la da'wah. Là, t'es mal parti pour la da'wah, là, déjà, là. T'es déjà en train de, tu vois, de te ramollir devant lui. Dis-lui que c'est un mécréant. Dis-lui. Dis-lui que c'est quoi le shirk, c'est quoi le tawhid. Dis-lui. Et qu'il est lui dans le shirk actuellement. Parmi les versets pré-équivoques, meilleur contexte. Qu'Allahu ta'ala, la yanhakumullah. عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى رحمه الله dans le sens où il dit que Allah ne vous empêche pas d'être bienfaisant ou d'être pacifique avec ceux qui ne vous ont pas combattu, qui ne vous ont pas combattu en religion et qui ne vous ont pas expulsé de vos maisons, et d'être équitable envers eux, et que Allah certes aime les gens équitables. Donc là il cite la parole d'Ibn Kathir, rahmallahu ta'ala, où il dit, في تفسيره, أي لا ينهاكم الله عن الإحسان إلى الكفرة الذين لم يقاتلوكم في الدين كالنساء والضعفاء منهم أن تبروهم أي تحسنوا إليهم وتقسطوا إليهم أي تعدلوا. Donc Ibn Kathir dit quoi? Que Allah ne nous empêche pas d'être bienfaisant envers les mécréants qui ne vous ont pas combattu en religion. Mais qui sont-ils ces mécréants? Il dit, ce sont les femmes et les faibles parmi eux. Les femmes et les faibles parmi eux. d'être juste envers eux. Ce n'est pas tout le monde. Ce verset n'inclut pas tout le monde. Là, il parle des femmes et des affaiblis des femmes parmi les koufars. Et cela est appuyé par quoi? Par le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naha an qatl an-nisa, aussi bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de tuer les femmes et les enfants. Et qui également, les hommes dits chez eux de religion, s'y rendent dans leur lieu d'adoration. Le prêtre, le rabbin, s'il les rend dans son église, dans sa synagogue, lors des combats, on ne le touche pas. On ne touche pas les femmes ni les enfants. Hormis ceux qui participent avec eux et se mettent dans leur rang pour combattre. Là, c'est autre chose. Donc là, aujourd'hui, on a pris quoi? Comment comprendre justement ce débat billati ahsan avec eux? Qui le concerne et quand il est concerné? On a dit qu'il y a deux tafsirs. Que déjà, ces gens-là prennent des versets place en contexte, à la manière des juifs. D'une part, ils prennent des versets équivoques en délaissant les versets murkam, clairs, comme ceux du combat. Donc on a dit quoi? Appeler au sabilillah, au sortir d'Allah, cela c'est appelé au tawhid, clairement, avec clairvoyance. Également, parmi les versets du débat avec eux, de la meilleure des façons, cela a été soit abrogé par les versets du combat, ou soit interprété que cela concerne les gens du livre qui sont réceptifs à l'appel de l'islam. C'est tout. Les autres, on les combat. Ensuite, le fait d'être équitable avec ceux qui ne sont pas combattus, qui sont-ils? Les femmes et les faibles. Parmi les enfants également, ou les hommes faibles, ou les hommes de religion chez eux, qui rentrent dans leur lieu d'adoration. Mafoum al-Waj? Tayeb. Donc cela, comme on dit, mais dépend sur les hibs pour beaucoup de gens. Car en France, beaucoup de personnes emploient, utilisent ce genre de versets pour appeler justement une dawa maya, une dawa, un appel ramoli, laxiste, et faux, erroné. Et après, tu vois des gens rentrer en islam devenir bizarres. Ils se convertissent à l'islam, mais il est bizarre. Ou même des fois une apostasie. Pourquoi? Car ça, à la base, son entrée en islam n'était pas basée sur le quoi? Sur le tawhid. Son entrée en islam était basée sur des valeurs humaines présentes chez des gens autres que les gens de l'islam. Ils ne voient pas ce côté exclusif à l'islam qui est le tawhid. Il y a plein de valeurs dans l'islam, tu peux les trouver chez d'autres personnes. Donc il dit, mais comment ça se fait? On me force à faire ça, ça, ça, ça, alors que telle personne là-bas, d'une autre religion, d'une autre religion, le font aussi. Là, pourquoi je vais me forcer à faire des choses alors que d'autres personnes l'ont aussi? Donc si moi je le fais qu'ils le font aussi, pourquoi je me mets en islam et m'imposer une religion qui a des valeurs présentes chez les autres? Et où l'avantage de l'islam alors? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris le tawhid. L'avantage de l'islam, c'est le tawhid, il y a Akhana, tu le dis. T'as pas le tawhid? Bah, tu pourras être gentil avec ton voisin, tu pourras faire sadaqa, tu pourras être bienfaisant envers les gens. Ma yanfa yawm al-qiyama. Le jour de la résurrection, ça ne servira à rien, tu seras mécréant. Donc ces gens-là que tu vois qui ont ces valeurs-là, ils n'ont pas le tawhid. C'est ça la différence qu'il y a entre toi et eux. La différence entre toi et eux, c'est le tawhid. Et maintenant, ces valeurs humaines présentes chez eux, plus ton tawhid, c'est des hasanat, des bonnes actions pour toi que Allah il aime, qui te préserve de l'enfer en plus. Plus d'opportunités pour toi de rentrer au paradis. D'être élevé en degré. Mais le asl, c'est le tawhid et les actes d'obligation qui vont avec. Comme les salawat, comme les piliers, ce genre de choses. Adao. Mafoum hada? Tayeb. Fayla huna. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك مع تحية دمام أفاف.com